et aux archéologues du rock. On parle de rock et de rébellion. Enfin! Bienvenue à ce cinquième épisode des Archéologues du Rock. Bonjour Hélène. Salut Caro. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, cher. Merci. Hélène à Hamilton. Où j'ai pas blogué autant que j'aurais voulu. Ça a été un colloque qui était rempli d'activités. J'étais très rarement à la chambre d'hôtel et encore moins donc devant mon ordinateur. Donc j'ai seulement eu un message de blog. Je m'en excuse. Tu sais que j'ai pleuré toutes les larmes. j'aurais dû en faire plus. Ça a été un colloque vraiment extraordinaire, vraiment le fun. Parle-nous-en un petit peu. Les colloques de ISPM, International Association for the Study of Popular Music, version canadienne, chapitre canadien. Mm-hmm. C'est un peu ma maison académique. Je me sens vraiment bien. C'est des amis. On se retrouve à chaque année. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je fréquente les colloques d'ISPM. Et c'est franchement extrêmement agréable. On parle tous le même langage. Un peu. On n'a pas besoin de se dire comme « Ah oui, le rap! » Genre, ah, c'est oui. Quoi? « Motley Crue! » Tout le monde sait c'est quoi. Okay. Donc, moi, j'ai fait une communication sur Motley Crue et comment Motley Crue perçoivent leur boulot de rockstar. Parce que c'était un colloque avait comme thème le rock et le travail. En fait, la musique et le travail. Ah, et ça se passe à Hamilton, qui est une ville industrielle pour laquelle, mon Dieu, t'es complètement charmé. Il y a vraiment un côté très trash, avouons-le, mais il y a aussi un côté... il y a une ébullition artistique vraiment très intéressante. J'ai acheté les partitions de Beck. En fait, Beck, son dernier album, c'est des partitions. Il y a une version deluxe que j'avais jamais vue à Montréal, mais que j'ai vue là, que j'ai acheté. Wow! Donc, j'ai vraiment... beaucoup aimé ça, ça a été vraiment extraordinaire. Ah, ben tant mieux, c'est le fun d'entendre ça. Donc aujourd'hui, la rébellion dans le rock, qu'est-ce que ça fait? Qui ça implique? Qu'est-ce que c'est? Différents types, où c'est que ça s'en va la rébellion? Parce qu'il y a plusieurs manières d'être rebelle dans le rock. Voilà. Donc on va explorer ça. Tout à fait, on va commencer par un montage encore une fois cette semaine et au retour, on va l'étudier un peu plus en détail. Alors, montage. We'll be right back. dress, no, I was so bold. I said, you see these two cold fingers, these crooked fingers I show. You wait a minute. Sur ces dernières notes bien connues, on vient d'entendre notamment la pièce « Who Are You » du band The Who, parce que son batteur, Keith Moon, était un gars qui était capable d'être très rebelle. Assez sur le party, merci. Oui, entre autres. Ben, parlant de party, pour sa fête de 21 ans, il a déclenché un food fight qui a fini par lui qui s'enfuit de la police tout nu au volant d'une Lincoln Continental pardon, qui a fini dans une piscine d'hôtel. Ça, c'est très bien. Et entre autres, bon, ça c'est un petit peu moins drôle, mais c'est vraiment pas drôle. Il a cassé le nez de sa femme à trois reprises parce qu'il était très, très, très jaloux comme gars. Et dans un accident complètement outrageux, il a roulé sur son chauffeur. Donc, il a tué son chauffeur en roulant dessus en voiture. En 1970. Yes, exactement. Ensuite, on a entendu Ozzy Osbourne avec la pièce Crazy Train. Ozzy Osbourne, qui lui aussi mérite une place dans le panthéon des gens qui font pas ce qu'ils sont supposés faire. et qui a déjà mangé la tête d'une chauve-souris. Non, ben, en fait, si ma mémoire est bonne, et ça a d'une commencé aussi. Oui, par ça. Une colombe dans un entretien où il aurait carrément juste arraché la tête de la colombe. Après ça, il l'a craché par terre puis a continué à jaser. Ça, c'était un meeting avec des gens de l'industrie. Je me rappelle plus c'était quelle compagnie de disques, mais c'était une rencontre au sommet à la nouvelle compagnie de disques. Okay. Un meeting que Sharon Osbourne avait tout arrangé et... En fait, la colombe était pour symboliser justement la paix, le renouveau, tatata. Et là, il mange la tête de la colombe. Et quelques années plus tard, étant donné que ça, c'était de notoriété connue, même il y a eu des photographies de ça. Oui. Mais je pense que la vidéo est disponible. Pourquoi? Carrément. Je pense qu'il y a un fan sur scène, un fan durant un spectacle qui a lancé une chauve-souris que je présume était déjà morte. Sur la scène et il aurait pris, il aurait arraché la tête d'une chauve-souris, ce qui est pas certainement plus dangereux. Un peu, oui. Mais lui se justifie de cet acte-là en disant qu'il pensait que la chauve-souris était en caoutchouc. Oui, ben c'est oui. Honnêtement, je le crois. Ah ouais? Oui, je le crois. Ah, c'est drôle, je pourrais croire n'importe quoi, je pense, venant de ce gars-là. ensuite de ça, on a entendu un extrait de Kickstart My Heart par Motley Crue. Je te laisse l'honneur, ma chère, de nous parler des faits et gestes de ce band-là que tu connais bien. Il y en aurait plusieurs, en fait, même si, pour tout dire, j'ai écrit un chapitre de ma thèse carrément sur la rébellion dans Motley Crue. En fait, c'est le chapitre que j'ai consacré aux drogues. Il y avait sexe, drogue, rock'n'roll. C'est comme ça que j'ai divisé ma thèse. Et donc, le drogue, c'était un peu aussi l'occasion de parler de la rébellion, de la transgression chez Motley Crue. Il y en a bon tellement, Dieu, mais parlons tout simplement le sex tape. Oui, le sex tape Tommy Lee avec Pamela Anderson, qui était à l'époque mariée, donc c'est une vidéo légitime. Legit, c'est legit, tu sais, ils s'aiment vraiment, pour de vrai. Et pour la science, bien entendu, j'ai regardé la vidéo. C'était vraiment la honte. Et puis, Tommy Lee se défend dans deux de ses autobiographies que ce vidéo a été, comme on dit, leaké. Donc, c'est pas lui qui aurait fait le... Rendu ça public. Ça aurait été un vol, en fait. Okay. Ça a été cambriolé. Et sa maison était en train d'être rénovée. Probablement, c'est des personnes... Des travailleurs. De l'équipe de rénovation qui auraient pris la vidéo qu'il aurait vendue à un groupe qui était à l'époque sur Internet, le Internet Entertainment Group, si je me souviens bien. Okay. On parle ici que 1997-1998, c'était avant qu'Internet devienne la bête monstrueuse que c'est aujourd'hui. C'est déjà un peu plus privé, si je peux dire. Mm-hmm. Et ça a été un des événements qui a formé Internet, parce que là, tout le monde voulait voir la vidéo. Parce que c'est le premier truc qui est devenu viral, ou à peu près. Oui, on pourrait dire ça. Puis c'était une vidéo porno, puis il y avait une espèce d'aura, c'est ça, de legit, mais en même temps, puis Pamela Anderson était vraiment une beaucoup plus grande star que Tommy Lee l'était, oui, à l'époque. Et il y a beaucoup de monde qui voulait l'avoir tout nu, en tout cas. Oui, et j'ai perdu mes mots, merci de me le dire. C'est pas grave. Mais cette vidéo a été, one of the highest grossing, donc une des vidéos qui a régénéré le plus grand nombre de revenus, même carrément. Oh mon Dieu! Mais, à ce qui paraît, Tommy Lee n'a pas fait une scène là-dessus. Ben, coup d'or. Donc lui, il est vraiment fâché, il est encore très pissed off. Ensuite, après l'extrait de Motley Crue, on a entendu une pièce que j'adore, qui est Army of Me de Björk. Björk, elle est très spéciale, mais est-ce qu'on s'attendait à la voir dans une espèce de palmarès d'artistes rebelles? D'une part, apparemment que c'est très difficile de travailler avec elle, et d'autre part, elle a commis quelques actes assez politiques, notamment au Tibet et au Kosovo, quand elle a interprété dans deux de ses spectacles une chanson qui s'appelle « Declare Independence », en les dédiant à la fois au mouvement de libération du Tibet et à celui du Kosovo. C'était assez baveux, merci. Ouais, on dirait troll. De sorte que quelques jours plus tard, elle devait jouer en Serbie, où ça a été... et en Chine même aussi, je pense, ça a été complètement banni. Oui. Voilà. Après Björk, qu'est-ce qu'on avait? On avait The Libertines avec la pièce Off the Brackets. Peter Daugherty, le leader des Libertines, qui est... le mot, les libertins. Les libertins, oui. Qui est un consommateur d'héroïne très connu et qui a une fois, pour le fun, fait gicler une seringue remplie de son propre sang à une caméra de télévision. C'était pour MTV, je pense. C'était pour MTV. Donc, et que supposément c'était bien drôle et tout ça, ouais. Bref, en tout cas, c'est n'importe quoi. Et on a terminé ça avec le fameux hymne national américain joué par Jimi Hendrix, qui en fait... on disait de cette performance-là... À Woodstock, ouais. en pleine guerre du Vietnam. Exact. En fait, il a scrappé l'hymne national volontairement, ouais, pour être baveux, tu sais. Et Dieu sait que... Pas juste pour être baveux, mais vraiment pour avoir un statement contre la guerre au Vietnam. Ouais, contre l'armée américaine et tout ça. Je me suis mal exprimée, mais c'est pas mal ça que j'essaie de dire. Tu me chicanes pas, là. Non! Et puis bref, voilà pour le montage d'aujourd'hui. On pourrait vous parler de bien d'autres faits et gestes. On va continuer, en fait, ouais, au cours. C'est seulement le début de l'émission. En fait, tous ces musiciens-là et d'autres desquels on va parler durant les prochaines minutes, on peut dire qu'ils incarnent chacun un peu leur manière, cette devise fort connue qui semble aller de soi, « Sex, drugs and rock and roll ». Je l'ai parlé un peu tout à l'heure, parce que justement, c'est comme ça que j'ai divisé ma taille sur Motley Crue. On peut se demander d'où ça vient, « Sex, drugs, rock and roll ». En fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle un « andiatrice », qui est une figure de style qui, en fait, c'est trois termes pour exprimer une idée. Okay. Et il y a une version beaucoup plus vieille qui s'appelle « Vin, femmes et chansons ». Oh, du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu. Je ne sais pas si ça me fait penser à ça. En effet, qui est une toune vraiment le fun. Oui, oui, c'est vrai. Et là, on peut se demander, en fait, d'où ça vient. En fait, sex, drugs and rock and roll, ça peut justifier l'authenticité du rock. Ça peut justifier comme, ah oui, on fait les choses vraiment à notre manière, donc on se fout de tout, donc on est meilleur que vous qui essayez de faire une game et tout ça. Donc il y a une espèce aussi de game de distinction qui est en train de se jouer. Cela mentionné, quand on regarde des fois des discours critiques par rapport au rock. Pas critique en sens critiqueux, mais critique dans le sens aller au-delà de la réalité du rock et trouver un peu derrière. On se rend compte que Sex, Drugs and Rock'n'Roll, c'est jugé comme étant souvent juvénile, c'est quelque chose qui manque de maturité. Les artistes plus établis, comme Radiohead, là, sont très très sérieux, sont vraiment beaucoup moins Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Les autres sont très cérébraux et tout Muse ça. Muse aussi, d'ailleurs, je peux vous le confirmer, puisque j'ai soupé avec eux. Donc, une espèce de révérence dopée là, qui est mise à l'œuvre, mais qui ne fonctionne pas pour tous les artistes, qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc, Sex, Drugs, Rock'n'Roll qui fonctionne très bien dans le cas de Motley Crue, par exemple. On va parler d'autres artistes plus loin aussi. Mais ça... qui légitime ces artistes-là, mais ça ne va pas du tout légitimer un band comme, justement, Radiohead et Björk, à quelque part, qui n'est pas du tout Sex, Drugs, Rock'n'Roll, mais qui peut être rebelle à sa manière. Et c'est de ça qu'on va parler durant les prochains blocs. Ben, Björk qui se présente sur un tapis rouge avec une robe en forme de cygne. On s'entend que c'est... Bref, c'est original. Est-ce qu'on s'en va en extrait musical? Oui, on va justement écouter un extrait de la chanson Sex, Drugs and Rock'n'Roll, Ian During the Blockheads. Allons-y! Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know. Ça, c'était une passe de drum, ça! Je trouve ça vraiment un bon move. Sur ce, allons-y avec des définitions, tiens, de ce qu'est la rébellion à proprement parler. Dans le rock, oui, le chercheur en musique populaire, Moti Regev, c'est un juif, c'est un hébraïque, je ne sais pas comment il prononce son nom, donc j'espère que c'est correct. Moti Regev a décrit la rébellion. En fait, il y aurait deux sens principaux dans le monde du rock. La première, c'est une espèce de refus, une résistance aux conditions de l'existence moderne. En fait, être contre n'importe quoi qui est déjà prévu à l'avance, les normes, la routine, le conformisme. Et en fait, la deuxième manière, qui est une suite logique de ce refus-là, serait en fait se jeter dans l'hédonisme, donc se jeter dans les plaisirs de la chair et des drogues très particulièrement. Donc ce serait les deux définitions. Il y a quelques problèmes avec ces définitions-là. Donc par exemple, AC/DC, c'est un très bon exemple. AC/DC font exactement ce à quoi on s'attend d'eux. Okay, depuis leur début, ils font la même tune depuis toujours. C'est tellement vrai. donc, à quelque part, eux autres sont peut-être anti-routine dans leur tête, mais sont très routine à quelque part. Très il y a comme une espèce de... Ben, ici, d'ici, je sais pas pourquoi, mais j'ai une perception ultra pépère de cette bande. Je suis désolée, là, ils auront beau mettre toutes les fuzz, toutes les distorsions, ils auront beau salir leur son comme ils veulent. Pour moi, là, c'est des mononcles. OK. Ben, je sais pas quoi dire, ça. Mais c'est quelqu'un correct, qui... c'est très personnel, hein? Quelqu'un qui, pour moi, n'incarne vraiment pas le mononcle. En fait, c'est mon mononcle spirituel. J'aimerais vraiment ça le rencontrer un jour dans ma vie. C'est Iggy Pop. Ah oui, l'inventeur du stage diving. Notamment, mais de plein d'autres choses. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Iggy Pop, qui continue à incarner la rébellion malgré le fait qu'il est âgé, qui maintenant qui est un sad torso. Oui, c'est ça la preuve qu'il est rebelle, il se promène encore sans chemise en public. Oui. C'est quelque chose. Donc c'est pas juste comme la rébellion n'est pas juste l'apanage de ceux qui sont plus jeunes et qui sont en réaction contre la société plus adulte, même des adultes, même des personnes âgées peuvent être rebelles. Et justement, on va aller entendre une chanson de Iggy Pop, Lust for Life, très connue. Mais si j'ai quelque chose à vous dire, c'est achetez-vous l'album. Et oui, parce qu'on peut encore acheter des albums. Dans la vie, oui. Oui. Ou Rip-y-la, je m'en fous. De Lust for Life, l'album, justement. C'est comme l'album sur lequel cette chanson-là apparaît. C'est un excellent album. C'est un de mes albums préférés dans ma vie. Excellent. Voilà, j'ai fait ma plug. C'est bien. On s'en va écouter ça dès maintenant. dans Trainspotting. Ewan McGregor dans le rôle de Mark Trenton. Moi, je l'ai tout le temps vu en français parce que la version originale écossaise est incompréhensible. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, mini parenthèse qui n'a aucun rapport, mais j'ai vu cet hiver une adaptation théâtrale qui a été faite, je pense, par Wajim Awad. Je suis allée voir ça à Québec. Ah ouais, donc de Trainspotting, parce qu'on l'a pas nommé. Oui, de Trainspotting, c'était mis en scène par Marie-Hélène. Mon Dieu, j'ai étudié avec elle il y a des années, je me souviens pas ça, on s'en a jamais. Bref, je vous mettrai un lien là-dessus. C'était de toute beauté, si jamais vous revoyez passer la version théâtrale de Trainspotting, allez le voir, c'est bouleversant, c'est magnifique. Sur ce. Et aussi, Iggy Pop, moi aussi, m'a fait penser, une des raisons pour lesquelles je l'aime tellement, j'ai fait ma déclaration d'amour tout à l'heure, c'est qu'il provient des milieux artistiques de Ann Arbor, qui est une banlieue universitaire de Détroit, dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Chose qu'on oublie, hein, parce qu'il y a tellement une vie en pièces après ça, Iggy Pop, très drogué lui aussi, qu'on oublie comme qu'il y a des origines très intellectuel, très cérébral dans vraiment les mondes de performance artistique aux États-Unis. Et ces mondes-là de performance artistique qui ont rapport avec la musique, ça provient notamment des années 20 du dadaïsme. Du dadaïsme, qui était un mouvement intellectuel, artistique et littéraire qui a vraiment marqué son époque. L'entre-deux-guerres, un peu. Oui, oui. Il y avait, à la tête de ce mouvement-là, il y avait des artistes qui se foutaient des conventions et des autres règles préétablies de ce genre-là. Et la propagation de ce mouvement-là était tellement rapide qu'en quelques années, à peine, le mouvement Dada s'est étendu de façon internationale, dans le temps de le dire. Et son principe est assez particulier, c'est-à-dire que dans un contexte chaotique de la Première Guerre mondiale, il s'agissait de jouer à la manière d'enfant avec des convenances, de décontenancer en passant par l'humour et la créativité, d'oser l'extravagance et la dérision dans le but de dédramatiser, parce que c'était très, très lourd à cette époque-là. En effet, oui. Et je pense qu'on peut dire de façon générale que les artistes qui ont adhéré à ce mouvement-là ont tous des caractéristiques communes, pardon, notamment un esprit irrévérencieux très léger, la capacité de pouvoir créer de toutes les façons possibles, la recherche de la liberté dans toutes ses formes, et ainsi de suite. Donc, on voit que ça a été... en fait, c'est un mouvement qui a été très, très influent. Influent, oui, point. C'est la fin de mon mot. Mouvement qui a été très, très influent. En musique populaire aussi, ça a été extrêmement influent. En fait, il y a plusieurs études sur les liens entre le punk, la musique punk de la fin des années 70, et le dadaïsme, qui serait comme un peu l'origine, en fait, de cet esprit de création. C'est ça qui se fait dans l'irrévérence, dans le jeu, dans on se moque de tout, particulièrement des autorités, et donc une espèce de volonté de mettre tout à terre, mais avec une espèce d'esprit ludique, mais aussi contestataire. Et en fait, aussi, il y a un chemin dadaïsme aussi par l'International Situationniste, qui était une organisation... moins révolutionnaire qui a eu qui a commencé durant les années 50, mais qui a été un peu qui a eu le pic avec les années, la fin des années 60. C'était en France, donc avec le mouvement de mai 68. Et il y a eu Guy Debord, un fameux théoricien, lui qui a inventé le terme la société du spectacle et écrit un livre là-dessus, sur ce concept, qui était comme un peu un porte-étendard là, de l'international situationniste. Et c'est aussi un mouvement qui a influencé, à quelque part, David Bowie. Oui, ben oui. David Bowie qui, en fait, qui a pris plein de petits bouts d'influence artistique, Stanley Kubrick, l'international situationniste, le théâtre kabuki, le théâtre japonais kabuki, et qui a créé avec d'autres personnes, il n'était vraiment pas le seul, mais ça a été peut-être le plus important, le glam rock au début des années 70, mais qui aussi qui a fait plein d'autres choses et qui est reconnu encore comme étant un artiste particulièrement rebelle au niveau artistique. Il est fascinant. Donc, il est fascinant via une carrière. Son œuvre est fascinante aussi. Ouais. Mon Dieu, il y a tellement de. Et un grand ami d'Iggy Pop. Bref, faut tout que je les rencontre, ces gens-là. C'est en enfer que ça se passe. Et justement, on va écouter la chanson, une chanson qui met un peu, qui clôt en fait la période glam rock de David Bowie, Rebel Rebel. Quand je vais être grande. Elle sent le drum. Ah oui, toi c'est le drum, tu vas poser la guitare. Moi c'est le guitare. Là. Je te promets que quand je vais être une grande fille, je vais en avoir une qui va sonner pareil. Un autre type de rébellion dont on peut parler dans le rock, dans la musique populaire, c'est la rébellion politique. Oui. On a déjà fait un épisode musique et politique, première partie, il y a quelques semaines déjà, mais là, on va un peu revenir sur ce qu'on a dit. Il y a plusieurs artistes qui font des chansons qui prennent une position politique vraiment particulière. On peut penser à un groupe comme Rage Against the Machine, dont on va écouter un extrait tout à l'heure, The Clash. Au niveau local, bon, c'est du rap, mais ça reste la musique populaire, loco-locasse, bien fait. Entendu. Mais il y a aussi de ces artistes qui prennent une tangente politique... Pour vendre des CD? Pour vendre... Non, c'est pas vraiment ça que je pense. Ah, nous sommes désillusionnés. Mais aussi, à quelque part, ça a le mérite de... Ça peut faire prendre... éveiller des consciences. Des prises de conscience. Ouais, éveiller des consciences. De manière volontaire ou non, Bono, je pense vraiment, veut nous le... coincé dans la gueule, là, la cause de l'Afrique. Il là, nous vraiment, engage. Tout à fait. Mais Freddie Mercury, lorsqu'il est décédé en 1991, des complications du VIH, du sida en fait, a éveillé plusieurs consciences par rapport à... Il n'avait jamais voulu nécessairement faire de la musique... Il n'essayait pas ce soit, d'être là. Engagé ou quoi que ce soit. Non, bref, pas du tout. Je pense qu'il y a une tune engagée de Queen. C'est laquelle? C'est White Man sur leur album A Dead Erases en 1976. Okay. C'est sur la situation des Autochtones, des Amérindiens en Amérique. Okay. Puis c'est tout. Voilà. Parce que je connais vraiment beaucoup Queen, ça, je vous le dis, parce que ça a été l'amour de ma vie quand j'étais au secondaire. Donc. Il y a beaucoup de raisons pour ça, oui. À mon avis. Bref, oui, Mercury qui a finalement été le porte-étendard d'une cause post-mortem. Oui, absolument, tout à fait. C'est triste, mais c'est... Oui, oui. C'est ça. Donc, on va écouter justement une chanson Rage Against the Machine, une chanson qui s'appelle Guerrilla Radio. Aïe, aïe, aïe, ça 1999, oui. Et c'est une chanson qui parle vraiment de comme prenons-nous en main, gang, collectivement, et... renversant le pouvoir, et 14 ans plus tard, les choses sont pires. C'est vrai. Quel succès, Rage! Bravo! De toute beauté! It has to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Rage Against the Machine. J'ai 14 ans. Il y a aussi, finalement, on va terminer avec ce type de rébellion, quoique ce n'était pas une liste exhaustive non plus. Il y a d'autres manières d'être rebelle dans le rock. C'est une espèce de l'hédonisme extrême, comme on a parlé plus tôt. Oui. Vas-y. Un peu... moi, j'aime bien penser le genre musical au-delà des conventions musicales ou pas, des descriptions musicales plutôt. Je pensais à une espèce de lignée, d'héritage entre groupes, de référents intertextuels ou interculturels entre les groupes pour parler d'un genre précis. Mm-hmm. Et puis les Rolling Stones, qui seront à Montréal d'ailleurs sous peu, sont de véritables piliers d'un genre de rock, un genre justement où l'hédonisme extrême est mis de l'avant. On pourrait dire qu'une espèce de lignée comme Rolling Stones, Led Zeppelin, Aerosmith, Motley Crue, Guns N' Roses. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. Donc, c'est carrément une liberté individuelle absolue. C'est des demi-dieux qui peuvent rentrer dans une chambre d'hôtel et la mettre à sac à grands coups de sabre de samouraï. En fait, un bon truc, je peux vous dire à tout le monde, ce qui paraît, c'est avoir une extension électrique, donc un grand fil électrique, brancher la télé. Être, bien sûr, là, on parle d'être à quelques étages de haut. Donc, brancher la télé, la pitcher dans la piscine et c'est là qu'elle va exploser. Ah, OK. Un petit truc, donc, à faire à la maison. Oui. Non, mais je m'y mets tout de suite. Chercher une extension. Pardon, ça, c'était mon téléphone qui vient de sacrer le temps. Donc, en fait, faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, sans aucune restriction, et bien sûr, tout ça, carburer à 5 drogues minimum. Dans... Oui, exactement. Et avec un temps... traitement, mettons, l'aspect légal de la chose, un traitement de star, évidemment, là, dans le sens où ils peuvent faire des conneries de fou, puis ils s'en sortent tout le temps super bien aussi. On en voir a déjà des fois, parlé. Oui, voire des fois même... mieux qu'avant, parce que c'est, ça, ça rentre dans leur branding, ça rentre dans la manière dont ils se mettent en scène tout le temps. Donc, Manish, justement, Nikki Sixx de Motley Crue, désolé encore d'en parler, parce qu'eux autres sont vraiment dans cette manière-là de vivre leur rébellion. La pire chose qu'on aurait pu avoir, la pire nouvelle qu'on aurait pu faire, c'est boire un verre de lait. parce que ça aurait été trop... ça a été trop drabe. Oui, et ça aurait contrecarré justement leur projet de rébellion. Et dans sinon, ça... parenthèse, je t'écoute, oui. Puis en tête, j'ai les images de Jimi Hendrix qui brûle une guitare sur une scène. Oui, mais ça, il y avait quand même un sens politique lié à ça. Si je me souviens bien, c'était à la fin de justement de Star Spangled Banner, oui. Dans Woodstock, donc oui. Il y avait une espèce, bon, je sacrifie mon art à l'autel de... comme de oui, OK, de certains idéaux. Oui, c'est ça. Et je suis vraiment complètement en désaccord avec ce que ma société, mon peuple fait à l'international et tout ça. C'est vrai. Jeter des piscines pour qu'ils explosent dans des piscines, il n'y a aucun, sens politique. Là. Il n'y a aucun sens politique à ça. Même il y a une évacuation complète du sens politique. Donc, c'est vraiment juste... la liberté, là, c'est vraiment la liberté individuelle totale. Ce que j'ai appelé, ce que je vais essayer de défendre dans un article à venir, la bourgeoisie radicale. Donc, ouais, je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça très pertinent comme façon de l'exprimer. Donc, justement, allons écouter une chanson des Rolling Stones. Oui. Qui parle un peu. Street Fighting Man. Street Fighting Man qui parle justement de ça. Il parle, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de moi. Je sens que on est en train de se soulever en tant que peuple. Ici, c'est à la fin des années 60. Mais moi, je fais juste chanter dans un band. Cool! La fin de notre épisode sur la rébellion, le rock. Et finalement, on a vu plusieurs types de rébellion. On a vu la rébellion artistique, la rébellion politique, la rébellion hédoniste. On a aussi vu quelques définitions qui étaient intéressantes mais problématiques. Et vraiment, une panoplie d'artistes qui ont vraiment fait à leur tête complètement ce qui est peut-être justement la base de tous ces musiciens-là et de cette rébellion-là, finalement. Tout à fait. Et Dieu sait qu'on aurait pu vous en nommer, mais combien d'autres? J'essaierai de retrouver des liens vers des sites où, justement, on peut avoir des listes plus exhaustives, des faits et gestes un peu étranges de ces artistes-là. D'ici là, prochain épisode, formule un peu spéciale, Hélène et moi, on va se ramasser, on va se retrouver... à même un party, en fait. On va animer notre émission live à partir du party annuel de l'atelier La Boutique sur la rue Follum. Donc, petite formule plus interactive qui nous attend, plus de quiz, plus de jeux. Ça devrait être très agréable. Alors... vraiment plus long que 30-45 minutes, que ce qu'on peut dire. Oui, probablement que ça va être un peu plus long que d'habitude aussi. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, 14 juin, vous êtes les bienvenus à l'atelier La Boutique. Vous pouvez trouver les informations sur leur page web sur Facebook. Atelierlaboutique.com. Et voilà. Voilà. Donc, venez nous voir, ça serait super intéressant. Amenez-nous des questions étranges et on fera de notre possible pour y répondre de façon tout aussi étrange. Open house! On va brancher une télé et l'afficher dans une piscine. Rock on!